Qu'est-ce que le temps? Sinon, un concept inventé par l'homme, qui se veut une continuité d'événements qui prennent place dans divers milieux se succédant et lui permettant de se positionner spatialement parlant. Mais le temps, tel que représenté par une horloge, n'existe pas dans les faits, en considérant que vous sachiez encore ce que c'est qu'une horloge, bien sûr. J'en doute. Par contre, Sinistros et moi avons fait, il y a longtemps, un voyage dans le temps. Et nous avons été pris momentanément de ce qui se nomme une faille dans le temps. À peine le temps d'une vingtaine de minutes, mesurée en temps humain. 20 minutes, c'est court, me direz-vous? Oui, la plupart du temps. Mais ce fut suffisant pour nuire à nos horaires dans le temps. Et c'est pour cela que les émissions de réanimation sont toujours trop courtes de 20 minutes maintenant. Ce qui nous nuit souvent pour diffuser tout ce que nous avions prévu par manque de temps. Voici le temps de réanimation. Et c'est bien pire parfois, et la plupart du temps, d'avoir un médecin et son assistant. Surtout lorsque, faute de temps, il saute les diagnostics pour aller directement au traitement et parfois trop brusquement. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, because we said so. Maintenant, c'est le temps. Go, Meshuga Clockwork. Salut, ici Luc Lemay de Gorguts. Vous écoutez Réanimation et le docteur Pendragon sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 5 mars de l'heure de disgrâce 2019. Je suis Dr. Pain Pendragon. Je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de cette ignoble créature malfaisante aux allures douteuses et au comportement encore plus douteux, Sinistros. Que de gentillesse de ta part. Je m'efforce toujours d'être fort attentionné envers mes collaborateurs. tu me flattes dans le sens du poil. Oui, et du poil tendant. Oui, puis flatte pas de l'autre côté parce que ça risque de piquer un petit peu. C'était pas mon intention, même pas dans le bon sens. Hey, comment ça va, mon cher? Ben, ça va. Nous voici réunis enfin pour une énième fois cette année. On dira ce qu'on voudra, il n'y aura pas eu beaucoup d'émissions en 2019. Hein? La date, non, on était très malchanceux. La température a été vraiment, je dirais, c'est acharné pour les mardis très souvent. Oui. Très, très souvent, les mardis faisaient mauvais. Ben ça, c'est le running gang, ça, depuis les 18 dernières années. Ben, jusqu'à, pratiquement, le mardi, ouais. Il mouille tout le temps. C'est toujours... Mais cette année, on y goûte sévèrement. Oh, la semaine passée, ben, j'ai eu un act of God qui m'a vraiment mis sur le dos, je dois dire. Bon, en tout cas, c'est pas le nos malheurs. Ce foutu Dieu. Les gens chialent contre Satan. Et c'est même pas Satan qui fait les mauvaises choses. Mais voilà. C'est pour ça, l'act of God. Ben oui, tout à fait. En ouverture d'émission, premier bloc cette semaine, nous avions à l'instant de Montréal, Gorguts, la bande de Luc Lemay qu'on a pu entendre se présenter avant la pièce Amber's Voice qu'on retrouve sur le 5e et dernier album à ce jour, Colored Sands, qui est paru le 30 août 2013 sur Season of Mist. C'est laid un peu, je dois dire, par contre, Sinistros, au niveau de Gorguts, les sorties d'albums, là, si on se réfère à... Lentement, mais sûrement, mon cher ami. Ah ouais, mais il y a lentement, il devrait avoir un peu plus rapidement et sûrement, selon moi, parce que, tu vois, entre From Wisdom to Hate, qui était le dernier avant une espèce de retour, si tu veux, en 2001, ben, il s'est quand même passé, ma foi, 12 ans, là. Oui, mais le groupe était comme... séparés, tu sais. Je comprends. Mais toujours est-il qu'on est en 2019, là. On a quand même eu deux sorties depuis 2013, Colored Sand puis Dots. Ben, qui se veut quasiment un album à lui-même, c'est 30 minutes, ça. Là, ouais, effectivement. Mais quand même, pour un album dit pleinement studio, on va atteindre la 6e année bientôt, là, enfin, au mois d'août. Donc, je dis ça parce que moi, j'ai hâte d'entendre du nouveau matériel de Gorguts, parce que je suis un fan de Gorguts. Juste avant, nous avions la pièce qui justifiait cette introduction qui parlait du temps, soit Meshuga de Suède et Clockworks, qu'on retrouve sur leur dernière parution qui est sorti le 7 octobre 2016 sur Nuclear Blast, soit The Violent Sleep of Reason, leur 9e album en carrière, et selon moi, un des très bons qu'ils ont fait aussi. Je te dirais honnêtement, je pense qu'il y a juste Catch 31, je pense que c'est ça, Catch 31, 33, je suis plus trop sûr, là, faudrait que j'y vérifie, mais je vais le dire à l'instant d'ailleurs. Catch 69. 33, qui m'a déçu de la discographie de Meshuga. Pour le reste, là, j'aime à peu près tout ce qu'ils ont fait. Formation très... je pourrais dire caustique pour certains, hein. C'est pas une musique qui peut être perçue à sa juste valeur par tous, là. Ben moi je trippe pas. Non, toi, ben t'es pas un amateur de djent, toi. Non, pas non, du tout. Non, mais toi, c'est vrai que t'es un peu en retard, souvent. J'suis pas en retard. Oui, t'es en retard. Non, parce que je te disais, le death metal, c'est bon, Sinistros. Non, je veux rien savoir. 2 ou 3 ans plus tard, hey, t'as raison, c'est bon. Oh oui. Bon. Ben, sauf que moi, le djent, ça s'apparente beaucoup trop au deathcore, pis ça me rebute un petit peu. Non, mais attends une minute, là. Il y a du ménage à faire là-dedans aussi, là. D'accord. Le death metal, c'est pas tout bon non plus, là. Non, effectivement. Faut y aller avec nos goûts aussi. Moi, je pense, par contre, que Meshuga, je vois pas de rapport avec le core là-dedans. Là. D'accord. Ben, d'accord. C'est ce soir, enfin, après plusieurs semaines de tentatives, que nous allons pouvoir enfin vous diffuser l'entrevue qui a été faite avec l'excellente formation d'avant-garde Death Metal, The Monolith Death Cult, qui devrait être autour de 20h. Il y aura quand même une quarantaine de minutes d'entrevue, donc on s'est vraiment assuré, Sinistro, c'est moi cette semaine. Que les gens de Monolith Death Cult puissent prendre l'avion et s'en venir faire l'entrevue. Non, mais tu vois, mais Michael m'a écrit la semaine dernière, m'a dit, puis l'avez-vous diffusé? Non, parce qu'il y a eu tel problème. Donc, mais c'est attendu, là. Bon. Mais, toujours est-il que On va pas juste musicalement pour l'instant, parce que ce soir, c'est l'évolution métallique tout à l'heure. Hein? Oui, 1981. Partie 1, je crois, oui. Tout à fait. Mais tu nous proposes tes premiers choix de la soirée. Bien, on va changer de registre. Dans le fond, toi, tu étais avec un bloc tout à fait enlevant et pas mal bruyant. À peine. J'y vois avec un bloc un petit peu plus axé sur le côté un petit peu plus punk, un petit peu plus industriel, un petit peu plus post-punk, un peu plus... Ben là, fais-toi une idée, là. Ben, tu sais, mélanger du métal, là, fait qu'avec des formations qui ont été pionnières, des musiciens qui ont été pionniers. Mm-hmm. On va commencer par Toe Cross, qui met en vedette des personnages... Des personnages? Des personnages... Dis-moi comme... du vrai monde! Comme Away de Voivod, ouais. Et le chanteur de Amebix. Amebix, qui est un band de punk hardcore qui fonctionne depuis le début des années 80, c'est en plein ça. Qui donne un style, un mélange de heavy metal, de crust, ouais, de post-punk. Ouais, tout à fait. Avec des petites sonorités un peu industrielles là-dedans. Ça sera suivi de Killing Joke, parce que je trouve que Toe Cross ressemble beaucoup à Killing Joke dans à peu près ce qu'ils ont fait. T'as pas tort. Fait que Killing T'as Joke, pas raison non plus. J'ai jamais raison. Ouais, ça, tout à fait. Killing Joke, qui est une formation pionnière du post-punk, de l'industriel metal, et ouais. En tout cas, ils ont fait un paquet de trucs très intéressants au fil de leur carrière, qui a été pas mal toujours constante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'album qui est vraiment décevant de la part de Killing Joke. Différent, certes. Différent, oui. Mais pas décevant. Il y a des meilleurs albums que d'autres, mais c'est un peu comme Voivod. Voivod, il n'y a pas un mauvais album. Là, non, c'est vrai. Des trucs différents, mais c'est toujours constant. Mm-hmm. Puis on va terminer ça avec Prong, qui est un band pionnier du métal industriel, qui s'est inspiré de toute cette... cet amalgame de bandes-là, là, tu sais, c'est inspiré de Voivod, ça s'est inspiré de Amebix en même temps, ça s'est inspiré de Killing Joke beaucoup, de Ministry. Fait que j'ai voulu faire une petite soupe à saveur plus industrielle. Bon, c'est une vraie soupe. Comment on dit? Menestrone? Ouais, une minestrone, c'est ça. Une minestrose. On va écouter ça. Allons-y. Let's go. In the Colosseum.

C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard, mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Le 7e Salon de l'Emploi Trois-Rivières-Bécancourt aura lieu le 27 mars de 10h30 à 18h à la bâtisse industrielle de Trois-Rivières. Plus de 2000 emplois seront disponibles et 115 exposants seront présents. Un service gratuit de photocopie ainsi que des experts en préparation seront sur place afin de vous aider à décrocher l'emploi idéal. Pour plus d'informations, allez sur www.salon-emploi.ca. N'oubliez pas le Salon de l'emploi virtuel du 28 mars entre 8h et 17h. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Well, 19h45, vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, les Handel Incorporated Show, en compagnie de cet assistant et de ce docteur, c'est-à-dire lui et moi. Eh bien, le docteur, lui et moi, nous nous obstinions sur des... Sur la cotation de Sinistrose. Sinistrose nous explique clairement dans son blog, blogurlabor.com, tu me dois 10$, que sa façon d'évaluer un album sur 10... Donc, ou sur 100, ça reporte facilement, marche par différents critères, n'est-ce pas? Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Oh oui. Différents critères qui sont évalués sur l'originalité, la production, name it, là. Oui, oh oui, bref, bon. Allons-y. Et pour arriver toujours au même résultat, c'est-à-dire que pour Sinistrose, quelqu'un qui a 85% est en échec. Ben, pas en échec. Ben, c'est ce que tu m'as dit d'emblée tout à l'heure. Ben oui, mais tu m'as exprimé. Oui, ouais. Ben, comme très souvent, d'ailleurs. Pour dire que c'est... correct. Alors que je lui dis non, c'est pas comme ça que tu dois mesurer tes choses. Tu dis, sur tout ce que j'écoute, il en sort énormément, puis je suis plus ou moins emballé. je paraphrase, je sais, mais ça résume assez bien la situation. Mais lui, j'ai dit, non, base-toi sur un groupe quand t'étais à l'école. Non, c'est vrai, j'ai jamais à l'école. Non, c'est bon, ça. S'il avait été à l'école... Dis pas ça des choses à même que t'allais à l'école, toi. Si t'avais été à l'école sur un groupe d'exemple 25 à 30 étudiants, puis que la moyenne du groupe était à 66%, et que toi, t'aurais été à 75%, t'aurais été bon. T'aurais été au-dessus de la moyenne. Tu comprends? Ben oui. Mais là, c'est parce que toi, tu te bases pas sur une moyenne. Tu te bases sur rien partout. C'est ça qu'il faut se baser sur rien partout. Eh non, c'est trop sévère. Seule ma vérité compte. Si Sinistros, en plus d'avoir été étudiant, serait devenu maître d'école, eh bien probablement que... Tout le monde aurait poché. Ben non, personne n'aurait survécu. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Prong avec l'excellente pièce Eternal Heat. C'est paru sur Carved in Stone, qui est paru le 24 avril 2012 sur Long Branch Records. C'est une bonne pièce. Je ne suis pas un gros fan de Prong. C'est pas tout de bon. Non, je trouve que c'est pas égal. C'est pas égal. Il y a des albums qui sont bons, des albums qui sont moins bons, mais Carved in Stone, ça en était un qui était très bon. Ça. Ben, avec cette pièce-là, tu m'appelles à le redécouvrir. Oui, cet album-là était quand même pas pire. Killing Joke avec I Am The Virus sur l'excellent Pylon qui est paru le 23 octobre 2013 sur Spineform, dernier album en date du groupe. Ouais, hein, c'est ça. Il y en a un qui s'en vient forcément, éventuellement. Et on a eu Toe Crust qui est un groupe international mettant en vedette Away, notre Away national, avec Bread and Circuses. Bread, donner du pain et des jeux. Oui. C'est ce que les Romains faisaient habilement. C'est ce que TVA fait aujourd'hui. C'est ce que, Non, TVA ne donne que des jeux, pas de pain. Ah, il donne pas de pain. T'es obligé de l'acheter en plus. Oui. c'est paru sur Pillar of Fire, et en 2017, le 21 juillet, précisément sur Relapse Records. Yes, sir! Il est maintenant venu le moment de cette évolution métallique selon notre ami Sinistro, c'est-à-dire que des mensonges. Que des mensonges. De la fabulation. J'ai inventé des groupes et des pièces spécialement pour vous. Oui. Ces albums n'ont jamais existé. Il a même inventé des années juste pour la chronique. Et là, voici cette évolution métallique. Et pour faire concept, tous les albums présentés présentement, c'est un hypothétique 38 ans. Hypothétique 38 ans. Oh oui, mais ah ben oui. C'est un album qui n'existe pas. Parce que c'est 1981. 1981, le heavy metal se portait quand même de plus en plus... Ben, il faisait ses assises. Attendez, je vais vous expliquer certaines choses. Oh non, ça va être plate. Ben non. Figurez-vous donc, en 1977, il y a 16 albums metal qui sont sortis durant l'année. Là, on parle catalogué typiquement metal. Typiquement metal, là. Mm-hmm. 16 albums. D'accord. En 1978, on a tombé à 21. Bon, il y avait progression. En 1979, 24. C'était timide, hein? 1980, par exemple, on est tombé avec 61. Hop! 61 albums, puis il y a beaucoup de classiques là-dessus. En 1981, on est tombé avec 86 albums. OK. Si on regarde pour l'année 2018... Oui. C'est 7447 albums. Dans l'année. Et est-ce que tu penses avoir tout recensé? Pas du tout. Non, hein? Pas du tout. Je suis pas mal sûr que, dans le fond, moi, je me suis basé sur la base de données de Metal Archive, okay, qui est quand même une base de données assez juste. Oui. Juste pour l'année 2019, on est rendu à 994 albums. Et on est qu'au début mars. Janvier. Oui, c'est incroyable. C'est complètement fou. Mais... Fait que ça rentre dans le cadre de l'évolution métallique. Alors, à chaque année que je vais vous présenter des albums, je vais vous montrer le bon qu'on fait à chaque fois. Okay. C'est très intéressant. Donc, entre 1981 et 1982, on a 86 albums pour 81, pour 126 en 82, puis là, ça monte exponentiel. Là. OK. Fait que là, on voit qu'en 1981, le heavy metal a commencé à prendre racine. Mm-hmm. En 80, 60 albums, 61. En 1981, 86 albums, dont les 5 que je vous présente ce soir. D'accord. C'est 5 que j'ai choisi parmi toute cette vaste de 86 albums, parce qu'il y en a qui sont pas connus, il y en a qui sont beaucoup moins bons, il y en a qui sont... En tout cas, bref. De toi, t'as retenu pas mal ceux qui sont moins bons, hein? T'en plains ça! De toute façon, on sait tous que ça existe pas. Oui! C'est du néant, c'est du vent, ça. Néant. Fait que j'ai inventé la formation Iron Maiden pour vous. Pardon, vas-y. On va y aller avec l'album Killers, oui, qui n'a jamais existé finalement. Oui. On poursuit avec Judas Priest, sa formation fantôme avec l'album Point of Entry. Mm-hmm. On a Accept, bien évidemment, Accept. 17 février, avec 38 ans cet album. 16 mars, ben, ils ont tous 38 ans, mon ami. Ah ben oui. Ils ont tous 38 ans. Ben oui, ben oui. Mais c'est hypothétique. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que si on avait fait l'émission comme prévu... On était correct. On était correct. Mais là, on est un petit peu en avance pour Breaker de Accept qui sort qui, le 16 mars, qui va avoir 38 ans. J'ai mis une pièce de Exploited. Ben oui, le jeu. Pourquoi? Ben explique-nous. Ben oui. Parce que The Exploited, même si c'était un groupe punk à la base, il y avait une portion métallique là-dedans qui a influencé énormément de groupes par la suite. C'est vrai. Quand Exploited est arrivé avec son Punk's Not Dead, il y a un paquet dedans qui ont fait hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis ça a donné le speed metal. Je te donne raison à quelque part. Je te donne raison parce que c'est vrai que The Exploited ont influencé beaucoup. Ben, même Slayer. Ben même Slayer, ben parce que là, tu sais, à un moment donné, t'avais la vague hardcore des États-Unis qui s'en venait, Exploited typiquement anglais, même écossais. Alors, c'était tout ce bouillon-là punk, avec l'énergie brute, qui a donné un mélange avec le heavy metal, qui a donné le speed metal, finalement. Fait que c'est pour ça que j'ai mis Exploited là, parce que je pense que c'était légitime de le mettre là. Puis on va terminer avec Def Leppard, avec l'album High and Dry, qui est un album que t'aimes beaucoup. Ben oui, que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est les trois premiers albums de Def Leppard étaient quand même très, très bons. Puis après ça, c'était les plus corrects, selon moi. Ben, c'était heavy metal. New Wave of British Heavy Metal. Ouais. Et puis c'est tombé même si eux autres les réfutaient, là, mais bon. Oui, c'est ça. Puis c'est tombé dans le rose bonbon par après. Ben, avec, très bonbon, très sucé, là, oui. Oui, très, très sucé, effectivement. C'est un jeu de mots, d'ailleurs. Hein. Alors, oui, c'est ça. On va commencer avec Iron Maiden, la pièce Killers. C'est paru sur l'album Killers. En 81. Allons-y, l'évolution métallique. Selon Sinistros. Trashy punks dying, right? Read it in the papers and go to the stupid cunts. This one's called Punks Not Dead. Pass the dead out! Pass the dead out! Pass the dead out! Pass the dead out! Pass the dead out! très fier de présenter son show d'humour pour la session d'hiver 2019, Sugar Sammy. Nous sommes très heureux de pouvoir l'inviter à l'UQTR le 20 mars prochain. Prenez note que ce spectacle est offert seulement pour les étudiants de l'UQTR. Vous pouvez vous procurer votre billet sur lepointdevente.com. Ce lien est disponible sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi vous le procurer en personne au local de l'ASK, le 1085 Pavé. Nous attendons en grand nombre. C'est un spectacle à ne pas manquer. Nouveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album d'Octoplot, le démon normal d'Octoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions puis des passes élevées. Octoplot, disponible maintenant partout, édition vinyle rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. L'Association des étudiants en psychoéducation vous invite à la 5e édition de l'événement Le communautaire, c'est salutaire, qui aura lieu le 14 mars 2019 entre 14h et 19h. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer divers organismes, faire du réseautage et obtenir des opportunités de bénévolat, de stage ou d'emploi et même du café gratuit. Le communautaire C'est salutaire se tiendra au 1060 rue Saint-François-Xavier à Trois-Rivières dans les locaux de Concept. De palmarès. 89.1. Hein? 20h20, vous êtes à l'écoute de réanimation, les Undead Incorporated Show, et ça jusqu'à 21h. Et Sinistros, décris-nous ta présentation de cette Xème évolution métallique. L'évolution métallique, selon moi-même, oui. 1981, partie 1. On a eu Def Leppard qui venait d'Angleterre avec la pièce No No No sur le deuxième album. High and Dry est apparu le 11 juillet 1981 sur Vertigo. J'avoue que c'est une pièce correcte. Ben oui, c'est quand même très bien. Oui. C'est le fun à jouer aussi. C'est bien cool. The Exploited d'Édimbourg en Écosse avec notre fameux Wati. Oui, Wati, c'est ça. Wati à la voix. Et la pièce Punk's Not Dead qui startait l'album Punk's Not Dead qui est paru le 5 avril 1981 sur Secret Record. Accepte les Allemands de Solingren. La pièce Son of a 3 petits points. Bitch. C'est ça, ok. C'est paru sur Breaker le 16 mars 1981. Judas Priest de Birmingham en Angleterre avec Heading Out to the Highway. Pardon. Avec l'album Point of Entry qui a eu 38 ans le 17 février. Mm-hmm. C'est paru en 81 sur Columbia. Et Iron Maiden avec Killers, la pièce Killers du même album, qui est paru le 2 février 81 sur EMI. Qui avait fait toute une tollée cet album-là. Hein? Il avait vraiment révolutionné l'écoute du métal. C'est clair. Et je dois dire que définitivement, Killers fait partie de mes albums préférés. C'est un très bon album. Toutes décennies confondues. On vous l'avait dit depuis plusieurs semaines, on n'avait jamais eu l'occasion de le faire. Finalement, c'est ce soir que ça va se commettre. L'entrevue que j'ai réalisée avec les trois membres de Modern Left Death Cult, formation qui vient de Kempen en Hollande, une formation qui se dit avant-garde death metal. Entrevue que j'ai réalisée avec Michael Decker, Robin Koch et Carsten Altena, le trio principal de cette formation que j'aime énormément et que Sinistros aime beaucoup aussi. C'est une entrevue que j'aurais réalisée d'une façon en différé, si on veut, parce que avec les, comme je l'avais expliqué, les fuseaux horaires de 6 heures de décalage, ça devenait difficile de le faire. Mais on l'a fait avec, grâce à la technologie. Et je vous présente cette entrevue qui a quand même presque 40 minutes de ce pas. Donc, allons-y avec The Monolith Death Cult et l'entrevue que j'ai réalisée. Hi, this is Michiel Dekker from the Modern Death Cult from Holland. I play guitar and do vocals. Thank you for having us on your radio show. I'm Carsten Altena, I play the keyboards, synthesizers, samplers, and the lead guitars in the Mull of Death Cult. Hi, my name is Robin Koch, and I'm the bass player and vocalist for the Monolith Death Cult. Because this is the Monolith Death Cult. Well, we started back in 2002 when the world was still innocent and beautiful. And our drummer then, Sjoerd, was looking for a new band, and Michiel joined him in his quest. So they, well, at least Michiel thought I would make a good vocalist, so I was recruited as one. And then there were some lineup changes, and I also took care of the bass guitar duties. And that was it, really. And things went really quickly from there, because not half a year later, we were on tour with The Crown and Skinless all over Europe. My vision of metal music at that moment was a bit different, I think, because at that point I was more into like the more complex, brutal death metal, like Suffocation and Cryptopsy and stuff like that. And so everything had to be faster and more complex and more technical and with more precision and more brutality and more Satan and stuff like that. And I think that's sort of changed in the years, just like our style of music has changed. Because if you listen to our first release, The Apotheosis, it's like more or less generic Nile-like death metal, like a lot of bands used to make in that time, like the beginning of the millennium. And you can track the progress from that album to our next albums, like The White Crematorium and Triumvirate and Tetragrammaton. So we've sort of morphed from this generic fast, faster, fastest death metal, blast beat, triple vocal, attack, solos, everything at the same time, to more groovy mid-tempo music. Well, I shouldn't call it a style. We took the name Supreme Avant-Garde Death Metal because we do not really play a style. For death metal fans, I think there are too many influences of electronics, too many choirs, too many orchestras. For thrashers, there is a death grunt, so you can satisfy anybody. So we decided to choose our own style. Of course, it is very brutal and very intense because we play extreme death metal. My personal taste in music is very diverse. My influences are the old Cradle of Filth, maybe old Dimmu Borgir, Type O Negative, Slipknot, of course Nile, that's our death metal touch, Morbid Angel, Ministry, and especially the Psalm 69 era. I also am a very big fan of Strapping Young Lad. What David Townsend is doing today is not my cup of tea anymore, but the old Strapping Young Lad was very aggressive, very massive. Bands like Triptychon, Celtic Frost, and of course Slayer, Metallica, and I love Ghost. What we do is we stack all our musical ideas together and we build a massive style, and that's the style we call Supreme Avant-Garde Death Metal. Yes, I think these elements blend perfectly with the compositions we make. By using virtual instruments, samplers and synthesizers, we bring extra colors, so to speak, to our sound. This way we don't have to rely on drums, bass, guitars, and vocals alone to keep our compositions interesting to the listener's ears. Also, these elements can support the story behind the song. For instance, we can use tribal drums in the song about Hutus and Tutsis, or horror soundtrack sounds, or in a song about a Nazi UFO. These elements are great for that. Well, before I started to play guitar live at our show, I was actually the keyboard player who performed these parts live. Nowadays we use a multi-track computer system that plays back these tracks live. Our friends don't seem to miss a live player and are apparently fine with the computer playing the parts. Everything is in sync thanks to a click track, which our drummer Frank hears. About our concepts, well, first, the Monolith Death Cult never has or had any underlying message in our music or lyrics. We are no preacher or activist, and we like to write songs about matters that interest us. We pick it up when reading books, watching movies, documentaries, or watching the news, or when we visited weird places. The V concept, or the Tragical Three as we call them, is based on the fact that it was our fifth album, and we decided to release it in three EPs. We can release them shorter after each other instead of waiting 3, 4, 5 years. And an EP is shorter, so you can keep the listener's attention, because we realized that when we wrote albums about 45, 50, maybe 60 minutes, the last two or three songs aren't very noticed. And there is a lot of energy, there is a lot of work into this song, so it feels not right if those songs are overlooked. So we decided to do the fifth album in three shorter EPs, so we keep the listener's attention. About the concept, well, we are not a band who work with concepts, I think, but I can say that with the V albums, we try to. V1, Versus, is about the so-called Wunderwaffe, that's German for wonder weapons, or Vergeltungswaffen, it's also German, it's weapons of retribution. That were weapons the Nazi made to try to win their already lost war. You can think about the rockets. The V1 and the V2 were rockets. And the V2 is used by... the prototype of the V2 is later used by NASA to put people on the moon. There are a lot of myths and urban legends about the group of Nazis who dived into the occult and received information from another realm to build these weapons. We wrote a song about this on the V1 album. It's called Die Glocken. It has also have the very Lovecraft-like theme. And another weird thing, I taught you earlier about visiting weird places. SS Reichsführer Himmler has his own Black Camelot. It's in a castle in Wevelsburg in Germany, where he resided as a mixture between King Arthur and Darth Vader. He played some evil lord. Very, very weird place. And that are places we visit them, and then we decide that we can write a song about this. There are a lot of books and movies about this subject, about the occultism and the Nazi. Think about the recent movie Overlord. But you got maybe you saw Iron Sky, the first and the third Indiana Jones films about getting the Lost Ark, or the Last Crusade, where they try to find the Holy Grail, Outpost, Hellboy, and so on. There are a lot of maybe you call it pulp movies about this subject, and we thought it was interesting to write lyrics about it. About V2, Vergelding, which stands for retribution, is about retaliation. Some examples: the Jewish Holocaust survivors formed the group NACOM, and they tried to annihilate 6 million Germans. We got a song about a god-like entity against his cult of worships who were unfaithful. Soviet troops who hunt for German forces which attacked Russia. Stalin against all enemies of the people, some 40 million people. And the so-called Black Widows, those were Chechen Islamist suicide, female Islamist suicide bombers who want to revenge the death of their loved ones in the Chechen-Russian war. So all songs are about retaliation, wrath, and so on. That's maybe, I think that's the concept for the V2 album. But your listeners can check our Facebook. We did for some weeks, we did the Monolith Death Cult Symbol class. And I taught on those classes every week. I took one symbol we used on the album and I tell about the song, how it happened, where it is about. So people should check our Facebook. A funny but also disturbing thing is that it often happened that other people share the belief that we have a secret master plan. A political master plan. They connect lyrics and items and see clearly better than us where we're up onto. And that's a flattering, but almost a disturbing and maybe funny. But because I know where I was and what I was thinking when some idea came to my mind. So that other people tells us where our albums and concepts are about, it's strange. So what do I think of the metal scene currently? I think it's a bit hard to say because I don't really listen to a lot of new releases. I think a lot of the music that sounds like the music that we make is so horribly overproduced, especially the more complex death metal, that I really can't stand to listen to it very well. I just get tired listening to it, you know, after two or three songs. So if there are any trends in metal, I would say definitely fashion, that definitely too. So at some point there was this whole stream in metal music that said, you know, death to trends and don't be fashionable and nothing should change and all of us should just stand in a corner and look grim and frostbitten and frown on people who want to do anything new. But honestly, I think that very few genres are as trend conscious as metal. I mean, compare the stuff that comes out today with the stuff that came out like 10 years ago, and you will definitely hear a lot of new influences and a lot of trendy stuff, like right now the stuff like the post-black metal, whatever that may be, is a big thing. And it wasn't here 10 years ago, probably, and it's not going to be here in 10 years, probably, which is a prediction, and predictions are always, you know, dangerous. But if you look, for example, a good indicator is like festival billings. If you look at the big name festivals these days, you will see the same names recycled endlessly over and over again, until another set of very popular bands become the booker's favorites for a few years. So you can see that by doing that, concert and festival bookers are basically riding a wave, like a hype of different bands, that will at least assure them that a large number of people will attend the festival. Which makes sense from a business point of view, but it also tells us something about how trendy metal music really is. And there is definitely a fashion to the scene. So we played at the Inferno Festival in Oslo, Norway, a while back. And you could definitely see that the metal lifestyle there is deeply fashion conscious. Because we came in with just in jeans and just a faded black t-shirt from some stupid band with no tattoos, but you could see that all the other people there were grooming their metal image, and they were all wearing the right t-shirts, and they had, you know, lots of tattoos everywhere, and they all had these stylized, you know, jackets with patches and the right pants and everything like that. So yeah, I think definitely the metal scene is a fashion thing. But that's not to say that that is something negative or bad. It's, you know, it is what it is. But yeah, music-wise, the current scene, maybe this is just me slowly becoming a grumpy old man, but I for some reason, and this is probably nostalgia speaking or glorifying the past, I think there's been a shift from like the late 90s, where you would have a bunch of bands that would make incredible music with fantastic songwriting, maybe couldn't play their instruments as well as a lot of the bands out there today. Whereas today you have a lot of bands and incredibly talented musicians who can play their instruments so well, and they perform everything they think of and record with like clinical precision. But to me, the songs themselves lack songwriting. They lack what would draw me to the music. It's basically like one big showcase of, look at how well we can play our instruments. And that's, you know, that's interesting, and it's nice if you're into that sort of thing. But maybe my brain is wired wrong for this kind of music. I also like, you know, catchy stuff, and to listen to music that makes me want to come back for more, and not just listening to, well, musicians wank on their instruments to show off how well they can play. So I'm there's going to be timeless records being put out right now. But like anything in the future, it is so hard to predict what's going to be timeless, you know, come back in 10 years, and then we will probably have some idea of which records being put out right now are going to be timeless then. But if you try and predict it right now, and, you know, everyone's trying to push their record as being timeless, it's going to be a 50-50 gamble at best. The only thing that is real is that everything we ever put out is definitely timeless, yeah, and should be cherished by humanity, for eternity. Big loves the drums. Yes, we share a similar vision. Pardon. That's the vision of total control. We are independent. We can do what we want, and we know exactly our do's or don'ts. We start our own human detonator label, because all the labels we had before went mad or bankrupted. And this is because we want to hold our own rights over music. If you write, if you sign to a label, they pay you 5,000, 6,000 euros, and you record an album, but you give them your music, so they can do what they want with your music. So we decided to want to work another way, and we created our own label, and now we are our own label boss and in total control. Musically, we do what we feel like. If it is cool and heavy, then we do it. There are no tight boundaries. Personally, I like the combination of very heavy catching riffing and the use of electronics, so we see in one crowd people banging their heads off and dancing. What we also share as a vision is there will be never Monolith Death Cult beer, whiskey or dog food. That is a total no-go. Yes, you can say I am the main composer. I make the blueprints for the songs. We all work in home studios. It's we already doing this since I think 2005, except for the drums. I create a demo. It changed 40, 50 times, 3-4 emails per week. Well, hey, I changed this, I changed that. They have no idea that I just changed one bass drum, so they will not hear it. This is for my own sanity. I sent then the song is finished, and I send it to the guys. And Karsten does his own thing with his orchestras, guitar solos, samples, and so on. And Robin comes over to record some bass and bass and vocals. But since we work with MIDI and ClickTrack, it is no problem to bring in the drummer in the last part of the process. In the early days, it was in common that the drummer started. The drummer started to play, and then the rest of the band adds his musical parts to the drummer. But we do it the other way. So the tracks are for 80% recorded. Then the drummer got on his headphone a good mix and plays the song. In this process, there is a continuous stream of ideas, data, bad ideas, complete changeover, evil ideas melting through the internet. A song is in Monolith Death Cult, the Monolith Death Cult realm. A song is ready when our mixer pushes the save button. Until that, it can change, and it happens often. Since we haven't any musical skills or talent, this is for us the most comfortable way of recording albums, because again, we have total control and we can do what we want. And yes, we tried to do it the old school way, just like we started with the band. We were with the whole band, and we plays a riff and the drummer say, oh, go, I got a good rhythm pattern for it, and he starts playing, and then you create a song as a whole band. Well, since 2005, it doesn't happen anymore. It didn't happen anymore. Because we are not a band who creates songs while jamming. We all work in our own home studios. And I think 5-6 years ago, we tried it. We bring the whole band in the rehearsal room, and we staring at each other. What? Okay, does somebody have a good riff? Well, nothing was coming, so we took another coffee and all go home back behind the computers and start writing. That's the best way how it works for the Monolith Death Cult. Yeah. Yeah, the difference in comfort level between studio and stage, it's very hard to say, really, because the two things are so completely different. We do all our recording ourselves, which is hugely comforting because you can take all the time you want, you can fuck up all you like, and you basically have control of everything. In a live situation, that's completely different because you're subject to 1,000 factors that are out of your control. If something breaks, you will have to deal with it in a very short time span. You're going to have unexpected technical issues. There may be no one there in the audience. Even really silly stuff like if the food at the venue was like really good, that will reflect itself in a minor part in your performance, an overall vibe in the venue or a great venue crew. It's all stuff that you can't control, but it will impact how comfortable you are. And if everything goes swimmingly, then you're going to play a great show. If everything is sort of fucked, then you're not going to play a great show because it impacts your mood and that impacts your comfort and that impacts your performance. So in a studio, if something breaks, you just, shrug and you hit stop and you fix it and you go on. It's not a big problem. If something breaks in a live situation, and we've had that happen lots of times, then you have to deal with it in a time-pressured situation and get it done as soon as possible. And that stresses you out and that impacts your comfort level. So I would say studio, much more comfortable than a live situation, but it you have to see it in a different perspective, where a live situation is also more instantly rewarding and gratifying. Well, just like timelessness, it's hard to predict which moments are the big turning point or milestones or whatever until a while after it happened. One of the major milestones, I think, was a few years back when our then drummer Sjoerd and then guitarist Ivo decided to leave the band, and we had to sort of reinvent ourselves very quickly and adapt to the new situation. So, but it all worked out in the end, and being a three-person band it makes us more flexible. It makes us more, well, agile, to use a business term. And I think it's helped us move on more quickly and focus more on what we want to do and what we want to achieve and how we want to achieve it. But that's a few years ago. So, I think only just now are we starting to see what the benefits of changing our ways in that situation is making. So one of the other things, I think, again, it's hard to predict, but one of the other things will be the decision we made last year to cut loose from a label and do everything ourselves. We will know in a few years whether that was a good move or a bad move, but it is a move in a certain direction, and it puts us in more direct control of what happens to the band artistically, but also commercially, as a business entity, how that will impact us. So yeah, it would be really interesting to go 5 years from now and then look back and see whether this change impacted us for the better or for the worse. And I think maybe in that light, one of the other major changes is switching from releasing one very large album with a lot of music in 5 years to cutting up one record into slightly smaller releases, like we're doing with the V Trilogy, where we decided to make quicker, shorter releases and see how that works out. It's a different way of working for us, and it's an experiment. So again, you know, interview us again in a few years, and we will know whether that was a good choice or not. Well, as the keyboard player in the band, none in particular, I take my inspirations from the lyrics of the song, which are mostly written by Michiel, sometimes Robin. Much like a film composer may get inspiration from reading a script or looking at a storyboard or early footage. So the topic of a lyric might turn my attention to a certain category of music for inspiration, maybe. Sometimes it can be movies or art or anything else. However, I will say that composers like Jerry Goldsmith, Thomas Newman, Hans Zimmer, and Joe Williams do inspire me when it comes to the orchestral sounds. But even more than that, the way they work, the way they try to translate a story into music, that's even more a bigger influence. Well, as the lead guitar player in the band, however, I admire my childhood heroes, guitar players like Steve Vai and Joe Satriani. So they influence my playing, of course, but I'm nowhere near as good as those virtuosos. I'm happy with the solos I come up with, though. I think in our case, you know, we would love to come to North America, and of course, and judging from our statistics online, we have a lot of fans over there. Getting worldwide exposure nowadays is easy thanks to the World Wide Web. When it comes to actually going there and playing there, the problem, I think, that for one, it's expensive to fly a band plus crew over from Europe to USA, and secondly, even though we have quite a nice following of fans over there, I don't think we're quite as big as Metallica or Devin Townsend yet, so I don't see us selling out a venue anytime soon. Maybe if we support a bigger act, it would be interesting. But yeah, if there's a booker over there willing to take the risk and book us, you can contact us, of course, at our Facebook or website. Well, thanks for having us. Yeah, thanks for having us, and for those listening, buy our merchandise, make us filthy rich. You can find us on Big Cartel, tmdc.bigcartel.com. You can find us on Bandcamp, monolith-deathcult.bandcamp.com. You can go to our own website, which is monolith-deathcult.com. We're on Spotify, Deezer, all that kind of really interesting streaming hipster stuff. So, follow us on Facebook and Twitter and Instagram. Just do the search Jazz Hands Magic Typing Routine and you'll find us. And, and threaten all the Canadian bookers that you know to come and invite us and play in Canada because, we want to go there. So, thanks again, and see you around. Scene one, Apple, take one. Of all species on Earth, only one has been known to exact vengeance on its enemies. And most of all, it does so on its own. Man versus man. Those who want to survive must have egos that rise 5 miles high. And three of them are here. The Monolith Death Cult. Though few in number, they cause more harm to art and culture than any other group on Earth. La 13e édition d'Université en spectacle se tiendra le samedi 30 mars prochain, dès 20h, au cabaret de l'Amphithéâtre Cogeco. Ce spectacle met en scène plusieurs artistes venus de plusieurs universités du Québec. Il en coûte 15 $ pour la communauté étudiante et 20 $ en admission générale. Billets en vente au kiosque près de la cafétéria ou sur amphithéâtrecogeco.com. Debout les hiboux, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux de nuit qui se couchent tard mais qui se lèvent tôt pour le travail. C'est ton émission du matin avec Marc Gagné et ses acolytes. Évidemment, on va brasser ta cage le plus possible en chroniques culturelles et sportives, actualités, arts, musique et événements. Debout les hiboux, un show assez fou, mais juste à point pour te réveiller du bon pied. Du mardi au jeudi, de 7h30 à 9h30, à la Radio Campus, c'est fou, 89h. Debout les hiboux est une présentation de Slam Disc, fier commanditaire de cette émission. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique lourde et subversive, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifu 89.1 du côté gauche, la bande de film en Mauricie. Fou de musique du monde. Sifu 89.1. h 55, l'émission s'achève. On vient d'écouter cette entrevue avec les trois membres principaux, les trois membres de Monolith Death Cult, soit Michael Decker, Robin Koch et Carson Altena. J'espère que ça vous a plu, fort intéressant. Ces gars-là ont été très très généreux, très sympathiques. D'ailleurs, je suis toujours en correspondance avec Michael Decker, personnage fort intéressant et très très sympathique. Bon, écoutez, je vous incite à réécouter l'émission pour revoir, réécouter l'entrevue. S'il y a des petits bouts qui vous apparaissaient moins évidents, vous pourrez écouter le podcast. Possiblement à partir de, je dirais, jeudi, devrait être en ligne sur le site de réanimationad.com. Cette semaine, n'oubliez pas les vrais amateurs de vrai rock, ici même, vendredi dès 11h avec Rock Classique et notre ami DJ. Non, ça c'est DJ. Je me mélange tout là. Avec notre ami le Rockmaster, Alain Lefebvre. Aussi l'émission à tous les deux semaines, qui est en reprise ici sur les ondes de C'est Fou, Subversion, avec DJ Tower of Death et le blog de notre ami Sinistro sur lemort.com. À peine le temps de vous dire que je vous laisse sur une nouveauté. On n'aura pas le temps d'en entendre plus. On parle d'une pièce tirée du premier EP de Tribe of Pazuzu, formation américaine et canadienne dans laquelle on retrouve entre autres comme batteur Florent Mounier, ainsi que d'autres membres qui sont aussi entre autres de Pestilence, je crois. Bref, c'est une espèce de super group, si on veut. Ouais. On va écouter la pièce titre de leur première et plus récente parution, qui est du 8 février dernier de façon indépendante, soit Heretical Uprising. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de réanimation avec, cette fois-ci, nous avons la métallographie de Merciful Fate. Sur ce, allez tous vous faire foutre. C'est eux. just a vow, ancient religious text, tyrannical oppression, sacred fallacies. Radical, radical uprising. Radical.